La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille du dimanche 3 mars 2019, l'aventure sonore sous toutes ses formes. Alors, je vous propose ce soir une rencontre avec l'artiste multidisciplinaire, improvisateur, compositeur et musicien Philippe Lauzier, qui présentait jusqu'à aujourd'hui, 17h, une magnifique installation dans le contexte du mois multi, une installation intitulée Piano Tissage. Alors, pour se faire une idée de cette œuvre, de cette installation, imaginez des cordes colorées et soyeuses qui viennent du ciel pour se glisser sous les cordes du piano et remonter par la suite vers le ciel. Alors, toutes les cordes s'activent et s'animent d'un étrange mystère sonore au sein d'un grand piano à queue. Alors, c'est l'essentiel du magnifique piano préparé par Philippe Lauzier pour l'événement Mois Multi. Alors, dans ce piano tissage de Philippe Lauzier, l'usage du piano traditionnel est pour le moins perturbé, détourné au profit d'une métaphore technique et matérielle qui est assez réussie. Ici, inspiré, vous vous en doutez, du métier à tisser. Alors, on retrouve donc un dispositif de bobine motorisée qui actionne un enchevêtrement de fils colorés se faufilant entre les cordes du piano pour en tirer des sonorités aléatoires, approximatives, parfois, tout ça conjugué au piano programmable connu sous le nom de piano disque-clavier. Pour les initiés, un piano qui habite chez Avatar, le centre d'artistes. Alors, évidemment, le piano préparé et programmé est toujours un peu fascinant, mais je pense qu'il faut ici souligner la magnifique mise en scène de l'installation qu'en a faite Philippe Lauzier, une mise en scène lumineuse et fort bien ancrée dans un cube d'obscurité. Alors, il s'agissait vraiment d'une installation magique, je dirais, pour les spectateurs. Alors, voilà qui est dit. J'ai rencontré Philippe Lauzier il y a quelques jours à propos de ce projet magnifique intitulé Piano Tissage et de ses dernières parutions sonores. Alors, retour sur un projet brillant présenté dans le cadre du dernier Mois Multi qui se terminait aujourd'hui. Alors, on écoute Philippe Lauzier. Philippe Lauzier, ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer à l'émission. Moi aussi. Philippe, tu as une démarche qui est assez atypique, assez singulière, je vais dire ça comme ça. Tu es un musicien de formation classique, conventionnelle, qui passe du côté de l'expérimentation sonore, qui fait un travail performatif, parfois installatif. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu de ce cheminement atypique. Bien, ça a commencé, oui, comme vous dites, avec une formation plutôt classique. J'étais allé au conservatoire quand j'étais jeune. Après ça, j'ai progressé plus vers le jazz, l'improvisation, l'improvisation free. Et ma curiosité a un peu évolué je dirais, de façon féconde. Et j'en suis venu aussi à m'intéresser à l'installation. Mes parents, mes deux parents sont en art visuel. Mon père était sculpteur, donc il n'est plus de ce monde, mais il a laissé des œuvres qui m'ont inspiré peut-être à me tisser un peu en dehors de la musique, puis finalement faire des propositions toujours dans le son, mais avec un intérêt visuel aussi. Tu as travaillé un projet en collaboration avec Frédéric Laliberté, entre autres, s'est présenté au Mois Multi. Est-ce que ça fait aussi partie de ton modus operandi que ce travail de collaboration? Oui, je dirais que ma rencontre avec Frédéric a également largement contribué à me développer et accentuer mon intérêt pour l'art multidisciplinaire. Ouais. Philippe, tu es actuellement en train de faire le montage de ton projet qui s'appelle Piano de Sage, que tu présentes dans le cadre du Mois Multi. J'aimerais que tu me parles de ce projet. On est environné par un piano préparé, mais préparé d'une manière plutôt inspirée. Le piano préparé, c'est pas quelque chose de en soi nouveau. On pense à, évidemment, John Cage, qui est certainement le précurseur de cette forme d'expérimentation autour du piano. Et je dirais que j'ai toujours été fasciné par sa musique, par cette façon d'intervenir dans un instrument, puis d'essayer finalement de le faire résonner autrement, de lui apporter comme la possibilité de détonner un peu par des nouveaux sons. Donc, c'est des choses aussi que j'ai faites sur la clarinette, des expérimentations de préparation. C'est sûr que sur une clarinette ou un saxophone, c'est un peu plus limité que sur un piano. Le piano, tu fais juste ouvrir la table d'harmonie, puis tu as accès comme à des possibilités de préparation très, très vastes. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu finalement travailler autour du piano. Quand que Caroline m'a invité à Avatar, c'était pour moi l'occasion de le faire, étant donné qu'ils ont ce superbe piano incroyable. En plus, c'est un piano numérique, donc c'est possible de le programmer. Ce que je vais faire un petit peu, mais très minimalement. Au départ, je m'étais même dit que je le ferais pas, mais je me suis dit, quant à y être, on peut bien ajouter quelques sons programmés. Alors, Philippe, on est tout près de ce piano préparé qui prend l'intitulé d'un projet qui s'appelle Piano Tissage. Et puis, avant de faire entendre des sonorités, j'aimerais bien que tu nous décrives un peu ce que le spectateur ou l'auditeur devrait imaginer là, en t'écoutant. L'auditeur peut certainement, surtout l'auditeur qui ne voit pas de quoi il s'agit, peut s'imaginer la combinaison d'un piano et d'un métier à tisser qui est suspendu et qui vient déposer ses filages entre les cordes du piano et de sorte finalement à faire des frottements un peu tels des archets de violon. C'est vraiment un projet qui s'inspire du métier à tisser. Et d'où origine un peu cette idée de piano préparé à la mode du tisserand? Bien, en fait, c'est vraiment le piano qui a fait la connexion avec le métier à tisser, parce que quand on ouvre un piano, quand on ouvre le capot du piano, ce qu'on voit, c'est comme une superposition, toutes les cordes superposées ensemble. Moi, ça me faisait penser à un métier à tisser en soi. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais en sens inverse, le propulser plus en hauteur, puis faire un dialogue, finalement, entre ce métier à tisser qui est plus à la verticale, puis les cordes du piano qui sont plus à l'horizontale. Philippe, pour donner une idée de cette installation là, qui est en cours durant le mois multi, je te laisserai nous présenter quelques sonorités. Ben oui, je vais vous jouer surtout les sons qui décrivent un peu les tissages en tant que tels. Philippe, dis-moi, je te voyais actionner les filins sur qui traversent les cordes de la table d'harmonie du piano. Maintenant, en ton absence, j'imagine que ça fonctionne autrement. Qu'est-ce qui actionne les filins? C'est un circuit électronique qui est connecté sur un ordinateur, bien sûr, et sur lequel il y a un petit patch max derrière qui vient activer ces petits moteurs. En fait, c'est des bobines fixées sur des moteurs DC. C'est assez minimaliste. J'en fais pas. J'essaie de pas tomber trop dans le démonstratif. Puis c'est pas particulièrement agité. Je garde ça très organique parce qu'il y a aussi les préparations à l'intérieur du piano qui viennent ajouter comme certains traitements au son. Donc j'essaie d'amener l'écoute dans quelque chose de délicat. Puis Philippe, dis-moi, samedi, jour de vernissage, il y avait une prestation performative là, avec Belinda Campbell. Ça s'est passé comment? C'était quoi votre complicité? Bon, évidemment, pour les auditeurs, là, on fait notre entrevue un peu en avance, mais comment tu l'imagines, là, cette perf-là? Est-ce que tu y joues un rôle particulier? Est-ce que tu actionnes, comme on vient de le faire? Oui, bien, en fait... Je participe au départ, je pensais peut-être simplement laisser Belinda faire la performance, puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas, en duo, ça va être sympathique, il y a tellement de choses que je peux faire à l'intérieur du piano pendant qu'elle se concentre plus sur le clavier. Donc oui, moi personnellement, je suis vraiment, j'ai les deux mains dans le piano, je pince des cordes, je positionne des objets pour transformer son à certains moments. Et voilà, j'active aussi à deux reprises pendant la perf. Il y a une interaction entre le dispositif qui est actionné et nous qui performons sur le piano. Donc, je combine aussi les deux pendant la performance. Donc, on va écouter le résultat de cette performance que tu as réalisée avec Belinda Campbell. C'est plutôt la performance de Belinda Campbell à laquelle tu vas contribuer sur le piano. Thank you. Alors voilà ce qui complète la première partie de ma rencontre avec Philippe Lauzier. On vient d'entendre la magnifique performance offerte par Philippe Lauzier et Belinda Campbell, une performance qu'ils ont présentée dans le cadre du lancement du volet installatif du Mois Multi et reprise cette performance samedi avant-hier à la salle Multi, une performance tout à fait magnifique. Alors je vous reviens dans quelques instants après un bref battement promotionnel. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. CKRL. Communication. Culture. Alors, c'est la Croche-Oreille qui est de retour. Alors, c'est le début mars et j'en profite pour vous rappeler que les 29, 30 et 31 mars prochains, dans 4 semaines ou presque, sera lancé le Radioton de CKRL, le Radioton 2019. Alors, je vous invite à consulter le site de CKRL. Une petite recherche sur la toile, vous allez trouver assez rapidement les informations relativement au Radioton et c'est une invite que je vous fais ce soir à renouveler ou encore à adhérer comme membre à la station de radio 89.1 CKRL, votre radio. Alors, c'est la Croche-Oreille qui se poursuit ce soir dans le cadre de cette belle rencontre que j'ai réalisée il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, je devrais plutôt dire, avec Philippe Lauzier dans le contexte d'une présentation, d'une installation intitulée Pianotissage, présentée dans le cadre du Mois Multi. J'en profite avant de poursuivre pour vous rappeler que vous pourrez retrouver la liste des pièces entendues ce soir ainsi que toutes les émissions produites en balado-diffusion pour écoute immédiate ou encore en différé sur le site La Croche-Oreille. Hein, et là encore, vous trouverez ça assez facilement sur la toile. Alors, Philippe Lauzier, j'y reviens, qui présente un magnifique piano préparé, un piano sculptural, sonore et illuminé. C'est le centre d'une installation intitulée Pianotissage. C'était présenté dans le cadre du Mois Multi. Cela dit, pour vous parler un peu de Philippe Lauzier, eh bien, au départ, c'est un saxophoniste et clarinettiste basse, formé en musique et en composition, qui mène depuis plusieurs années maintenant des projets de création et d'exploration de nouveaux procédés instrumentaux, des instruments préparés, intégrant souvent des matériaux de toute nature et des dispositifs électroniques. Philippe a participé à des créations interdisciplinaires pour lesquelles il met son langage musical en relation avec d'autres formes d'expression. Il a créé, pour exemple, des œuvres combinant musique, sonorité de toute nature et art visuel, notamment avec l'artiste Frédéric Laliberté. On se souvient de leur magnifique présentation intitulée Motel Hélène dans le cadre du Mois Multi à Québec il y a quelques saisons. Alors, très actif, Philippe Lauzier a pris part à de nombreuses tournées et résidences au Canada, en Europe, en Asie, au Mexique et j'en passe. Parmi la quinzaine d'albums à son crédit, c'est tout de même un praticien assez intense. Deux albums récents me semblent particulièrement exemplaires de sa démarche. Les albums Dome, fixé sur cassette, et cet autre album intitulé A Pound in My Living Room, dont il nous parlera en entrevue. À propos de Dome, le critique Brian Hayne du magazine Exclaim souligne ceci, souligne entre autres la beauté de l'album en disant ceci, et là j'ouvre les guillemets, il dit « Les pièces confèrent une musicalité étonnante, les tourbillons de sons chatoyants étant presque hallucinants. Lozier manipule ses nombreux outils rotatifs de façon à ce qu'ils frottent, heurtent et glissent sur leurs homologues métalliques, tandis que le synthé fournit un arrière-plan complémentaire de drones à forme lente. Les montées et les descentes de l'action donnent aux œuvres un sentiment de structure où l'on peut s'attendre à un chaos total. » Alors, je ferme les guillemets, c'est Brian Hayne du magazine Exclaim qui nous commente ce beau beau travail sous le titre de Dome. Alors, voilà, j'enchaîne avec Philippe Lozier pour la suite de cette rencontre autour de son projet Pianotissage et des œuvres récentes qu'il nous propose. Philippe, ça fait longtemps que je souhaitais te rencontrer pour te parler de tes albums, notamment les deux derniers là, avec lesquels je suis un peu plus familier, un album qui s'intitule Dome et un autre qui s'appelle Pound in My Living Room. Je commencerai par l'album Dome. J'aimerais que tu me parles de l'apparition de ce projet qui, je pense, est la suite, ou en tout cas d'un projet, d'une performance, je veux dire ça comme ça. Oui, bien, Dome, c'est un peu l'aboutissement de plusieurs expérimentations à partir de petits moteurs DC qui avaient déjà commencé auparavant. Je dirais une petite anecdote du départ de ces expérimentations-là, c'est que, en fait, j'ai un bon ami à moi avec qui je joue à l'occasion, Martin Tétrault, qui m'avait donné un petit moteur DC. Il m'avait dit « Tiens, je pense que ça t'intéresserait, toi, avec... » Parce que j'avais une auto-harpe. Et il dit « T'aurais certainement quelque chose à faire avec ça. Je te le donne. Amuse-toi. » Et finalement, j'ai trouvé ça comme pas mal. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de possibilités à faire avec ce petit gadget. Et j'ai développé ça, puis je m'en suis servi aussi dans un projet avec lui qui s'appelait... on joue plus ce projet maintenant, mais ça s'appelle La Formule XYZ avec lui et Pierre-Yves Martel. Et suite à ce projet-là, j'ai eu une invitation d'Éric Dorion pour faire une installation sonore au FIMAV en 2014. Cette installation s'intitulait Gritty. Et là, j'ai largement utilisé les moteurs DC sur des auto-harpes, des cloches, puis un gros bass drum, une grosse caisse d'orchestre. Donc, cette installation sonore-là que j'avais faite au FIMAV a quand même largement un lien avec Pianotissage. Parce que, en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est deux installations qui sont développés à partir d'instruments existants. Donc, ce n'est pas des instruments inventés, c'est des instruments transformés. Transformés. Philippe, on va écouter un extrait un peu substantiel de cet album qui s'intitule « Dome ». Philippe, un autre album magnifique, au titre très, très poétique, qui s'appelle « A Pound in My Living Room ». Là encore, ce projet-là, il est environné d'un autre esprit, un esprit différent de Dôme. Et ce serait quoi cet esprit-là? Comment on le définirait? Bien, d'abord, je suis à la clarinette basse, qui est mon instrument d'instrumentiste de performance. Donc, d'ailleurs, j'en joue quand même très régulièrement avec différents projets. Donc, c'est un album solo de clarinette basse uniquement. Et par contre, j'ai décidé de faire ça multipiste. Donc, je me suis enregistré moi-même en plusieurs pistes. Puis j'ai fait une composition un peu électro-acoustique, si on veut, parce que c'est un peu l'idée de superposer de la matière qui est une matière instrumentale et concrète. Là, et voilà, donc les sons de la clarinette étant tous des sons de la même source, on a un peu une impression c'est assez polyphonique, c'est très homogène parce que c'est juste des clarinettes. Et dis-moi, d'où te venait ce beau titre, A Pound in My Living Room? En fait, le titre est venu, m'est provenu d'une photo que j'ai prise en vacances. J'étais en train de faire une expédition en forêt avec Frédéric et on est arrivé devant un étang absolument hallucinant. J'avais jamais vu un étang aussi fourni de nénuphars et cet étang avait quelque chose de carrément surréaliste. Et d'ailleurs, sur la pochette de l'album, j'ai pris une photo de cet étang et cette photo a été utilisée pour la pochette, mais dans une construction un peu narrative que Frédéric a fait. Elle a fait un genre de petit footage miniature avec une réflexion sur un miroir de la photo. Enfin, c'est assez beau ce qu'elle a fait. Puis, son travail m'a inspiré le titre. Moi, je savais que je voulais faire quelque chose avec l'étang. Puis, le titre m'est venu après de ce que j'ai vu de sa proposition. Pour les auditeurs, on parle de Frédéric Laliberté, l'artiste bien connu de Québec. Philippe, on écoute un extrait de cet album intitulé « A Pound in My Living Room ». Thank you. Philippe, je complète cette entrevue. Belle rencontre ensemble. Dis-moi, tu as des projets à venir. Une présentation au FIMAV, je crois, cette année. Oui, avec Éric Normand, artiste québécois de Rimouski, qui d'ailleurs était passé à Avatar aussi cette année, en 2018, pour un projet avec Anne-Françoise Jacques. Mais là, ce qu'on fait ensemble, c'est pas de l'art audio. Est-ce que c'est tiré de votre tout récent album là, que j'ai vu passer, il me semble? Oui, il y a un album. Oui, on a sorti un album avec un saxophoniste un saxophoniste anglais qui s'appelle John Butcher. On l'avait invité au printemps dernier pour venir jouer deux concerts avec nous. Dans le cadre d'une petite tournée canadienne à Québec, Montréal, Ottawa, Toronto. Et on en a gardé deux concerts. Donc, c'est un enregistrement live et qu'on a remanié un petit peu. Et on en a fait un album dont on est bien content. Donc, puis c'est notre duo, ça s'intitule Not the Music, parce qu'on a déjà fait un autre album avant ensemble, un seul album sous le titre de Not the Music. Et ça, c'est le deuxième album qu'on fait avec invité cette fois-ci. Donc, Philippe, il y aura le FIMAV ce printemps, mais pour l'instant, j'invite le public à venir voir l'installation, le piano, le beau piano préparé, parce qu'il est magnifique aussi dans sa mise en scène. Je voulais te remercier infiniment pour cette rencontre. Merci à toi. Alors voilà ce qui achève la croche-oreille autour des travaux sonores récents, travaux sonores et musicaux récents de Philippe Lauzier qui présentait une installation, une œuvre magnifique dans le cadre du dernier Mois Multi qui se terminait juste avant hier. Alors mes remerciements chaleureux à Philippe Lauzier. Et restez avec nous. Alors, c'est la web musique qui s'amène avec Simon Roy. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore de la croche-oreille. Alors, ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.